¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Però mustel no è natio che curia che te sera figlia. Tanto sto le mani e na che dio che curia che te sera puglia. O si se la na e ho e na che dio che curia che te sera pedia. Usa sa megalo su non la na in non le vende sghiacari tu pirea. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει, όσο το πήρα. Όταν βρω... Παρασύρω μου στέλνω ένα δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. ήταν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πουσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως πως θα τον ονειρευτώ. Θα διαβάζω στο λαιμό και μια χα άντρα φυλαχτώ. Κι το βράδυ καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Avec ses yeux de marin anglais et son ciré de la rue de Siam, dans la ville il déambulait, tellement sûr de plaire aux femmes. Ma chambre donne sur le quai, j'étais forcée d'être d'accord. J'ai pas compris tout ce qu'il disait, le jukebox jouait trop fort. J'ai compris seulement ce que tu es jolie. Je fais pas de boniment, c'est pour toute la vie. J'ai compris seulement ce que tu es jolie. Je fais pas de boniment, c'est pour toute la. À mon carreau, la lune brillait. Et toute la semaine, mon cœur dansa comme au bal du 14 juillet, la plus belle des Java. Mon escalier montait au ciel quand dans ma chambre il était là. Un peu d'amour, c'est l'essentiel quand sur terre on n'a plus que ça. Mais y a tous ces foutus navires qui se balancent dans les ports et comme des filles semblent dire, viens mon gars, monte à mon bord. Ils leur promettent des soleils et des amours démesurés et ne nous laissent au réveil que nos deux yeux pour pleurer. Avoir tant de chagrin, on n'a pas idée. Un autre marin me fera l'oublier. Avoir tant de chagrin, on n'a pas idée. Un autre marin me fera l'oublier. Mais y'a tous ces foutus navires qui continuent de me narguer et dans la rade semblent dire quand le vent les fait tanguer. Tu n'as pas fini, fini de naviguer. Tu n'as pas fini, fini de naviguer. Tu n'as pas fini, fini de naviguer. Tu n'as pas fini, fini de naviguer. Tu n'as pas fini, fini de naviguer. Il a suffi qu'un beau matin, un tambourin suive le refrain d'une guitare, pour que partout de Tahiti à la Volga, aussitôt ce soit la même histoire. Et volent les jolies demoiselles

te pardonner. S'il m'était donné de vivre ou de dormir sans plus penser à toi, si je n'étais plus soudain celle dont tu fais un pantin, si je pouvais te fuir ou simplement te trahir au moins, je n'aurais plus ce poids qui me fait mal au point de m'étouffer. Je serais délivrée si je pouvais ne plus t'aimer. Jamais. Celui qui aime trop a bien souvent le cœur gros, c'est vrai. Ne joue pas au plus fort, tout peut changer encore. Mon cœur peut se lasser. N'as-tu jamais pensé que je pourrais ne plus t'aimer? Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que les gars la coulent douce à Miami. Pendant ce temps, je fais le zouave au fond de la cave. Paraît qu'il y a pas de son métier, moi je fais les trous dans les billets. Je fais les trous, les petits trous, toujours les petits trous. Des petits trous, les petits trous, encore les petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, toujours les petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en ai même jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois les vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours les petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer les filles de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais me cavaler par ma nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, les petits trous, toujours les petits trous. Des petits trous, les petits trous, encore les petits trous. Y a de quoi devenir dingue, prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trou, plus jamais de trou, de petit trou, de petit trou, de petit trou. Les danses d'aujourd'hui, vraiment ne m'en parlez pas. Comment s'y retrouver au milieu de tous ces pas? À peine a-t-on le temps d'apprendre le calypso, on se retrouve un soir au milieu d'un cerceau, dansant le hula hou avec un hula hou, et chantant oupa oula oupa oula oupa oula oupa oula hou. Guérir un tour de rein illico, un point de rhumatisme ou bien un vieux limbago, si vous avez un très léger début dans mon coin, un peu de cellulite cachée dans un coin, dansez le hula hou avec un hula hou, en chantant oupa oula oupa oula oupa oula oupa oula hou. Vous trémoussez votre vis-à-vis, émerveillé vous offrez son amour et sa fille. Alors partez tous deux sous le ciel de Tahiti, et le soir de vos noces sous les confettis, dansez le hula hou avec un hula hou, en chantant oupa oula oupa oula oupa oula oupa oula hou, en chantant oupa oula oupa oula oupa oula oupa oula hou. Regarde-moi bien, c'est le plus beau jour de tout le jour. Regarde-moi bien, c'est encore plus beau que notre amour. Nous avons trouvé dans la chaleur de ce pays un coin de soleil pour le restant de notre vie. Nous avons trouvé dans la chaleur de ce pays un coin de soleil pour le restant de notre vie. Regarde-moi bien, il faudra construire notre maison. Verser notre sang pour ne pas que meurent les moissons. Et une rivière du ruisseau qui va mourir, et changer en fleurs tous les cailloux de l'avenir. La la la la la la la la la la la la la, et changer en fleurs tous les cailloux de l'avenir. Regarde-moi bien, nous aurons des frères et par milliers qui viendront d'ailleurs et nous aideront à travailler. Nous les attendrons sur la colline illuminée de la flamme bleue que notre amour va leur donner. La la la la la la la la la la la la la, de la flamme bleue que notre amour va leur donner. Regarde-moi bien, nous avons tracé notre chemin, mais ce n'est pas nous qui les creuserons jusqu'à la fin. Car la route est longue de l'hiver jusqu'à l'été, qui verra briller le soleil de la liberté. Car la route est longue de l'hiver jusqu'à l'été, qui verra briller le soleil de la liberté. De la liberté. De la liberté. Ah. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Papou, papou, deux papous, deux papous gentils comme tout, dans un coquillage d'argent, écoute chanter l'océan. Papou, papou, deux papous gentils comme tout, ont cueilli pour s'habiller des guirlandes d'orchidées. Monsieur Jones n'a pas de repos, dès le petit matin il va au boulot. Fatigué d'entendre du bruit, ne ferme pas l'œil de toute la nuit. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un pipoir, papou, papou, deux papous, deux papous gentils comme tout, pour se donner du mouvement, danse, danse dans le vent. Papou, deux papous gentils comme tout, ont cueilli pour déjeuner un panier de fruits dorés. Monsieur Jones court vite pour manger, court pour travailler, court vite pour aimer. Monsieur Jones regarde cent fois si la petite aiguille se trouve toujours là. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit pois. Deux, deux, gentils comme tout, passe le temps à s'embrasser en se frottant le bout du nez. Deux, deux, gentils comme tout, s'endorment sur un lit de fleurs sans connaître leur bonheur. Les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Les Gaulois inventèrent le tabac, et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Pour rigoler, avant que le ciel ne tombe. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa, Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois. Valentino, dans les rues, que fais-tu? C'est la nuit qui descend sur la ville. C'est l'instant où les filles vont par deux. Et tandis que l'amour dans les yeux brille, garçon de 17 ans est malheureux. Oh Valentino, oh Valentino, tout le baladin que toi. Oh Valentino, mais pourquoi ne viens-tu pas? Tu te vois l'autre soir sur la plage, tout près d'elle. Et le cœur est tout chaviré. Tu voulais embrasser son beau visage, mais voilà, elle a dit non et s'est moquée. Oh Valentino, ses beaux yeux t'ont fait souffrir. Oh Valentino, ce soir tu veux mourir. Dans le bleu lumineux des ruelles, on entend les fontaines et leurs sanglots. Mais voici, dans le bruit d'un frisson d'aile, qu'un baiser vient te frôler, Valentino. Oh Valentino, oh Valentino, ton amour voudrait danser. Et que dit-elle entre tes bras tout bas? Oh que je t'aime, oh que je t'aime, Valentino. C'est pas que je sois révoltée, mais il faut l'avouer, depuis des années, je suis tyrannisée, car toi, tu fais la loi, et moi, je ne discute pas. Avant, j'avais mes idées, je pouvais parler, maintenant, mes soirées, je n'ai pas à t'écouter, car toi, tu fais la loi, et moi, je file tout droit. Pourtant tu m'avais dit je ferais tous tes caprices, mais c'est moi aujourd'hui qui suis à ton service. J'aurais aimé quelquefois, moi qui n'aime que toi, partir à ton bras pour aller dans les bois. Mais quand je te dis ça, tu ne réponds même pas, car j'adore les dancings, je fréquente les rings, j'aime la grande musique, mais je fais de la gymnastique. Pourtant, je n'aime pas ça. Mais toi, tu fais la loi. Avant, j'avais mes copains, maintenant qu'ils sont loin, ça n'arrange rien, je dois subir les tiens. C'est pas du premier choix, mais toi, tu fais la loi. c'est pas que tu sois mauvais, mais tu aimes bien paraître. Montrer à tes amis que c'est toi le seul maître. Je me contente de sourire pour te faire plaisir, car ton petit orgueil pourrait bien en souffrir. Mais c'est qu'on ne sait pas, lorsque la nuit est là, seule avec toi, c'est en fait moi, oui, rien que moi, qui fait la loi. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si l'on se fie au dire des journaux, si l'on en croit tous les échos qu'ils donnent, les gens cités dans l'actualité ont tous un truc pour décrocher la pomme. Cette chose subtile sépare-t-il leur chance? Un truc qui dit on fait la différence. Vive la différence. Maria Callas a vraiment la classe. Dans la vie même, elle aime vocaliser. Spécialisation pour nous faire jaser faux. Se spécialiser. Tino Rossi pensait qu'elle ennuie. Si sa guitare s'égare, comment chanter? Spécialisation, spécialisation. Pour être adoré, faux. Oh, Catarinetta Bella Cricci, se spécialiser. La bégoma, c'est père Lou. Fidel Castro s'abarre. Ouh. Le chat lui des femmes part. Doux. Comme de simples dentistes. Ouh, tout spécialiste. Et Presley. Doux, doux. Vous l'imaginez. Chantant au temple, exemple de la piété. Spécialisation, spécialisation. Pour les faire hurler faux. C'est spécialisé. Marlène Dietrich a dû. Chien. Marilyn Adé. Saint. Et moi, Eddie, j'ai des points pour régner sur la piste. Tout spécialiste. Aznavour. Tout. Chanterait-il l'amour. Tout. Si par malchance, il n'était pas enroué. Tout. Spécialisation. Spécialisation. Pour être admiré. Faux. Pour être adoré. Faux. Pour faire gueuler. Faux. Par le monde entier. Faux. C'est spécialisé. Tes yeux bleus d'azur et tes cheveux d'or inventaient pour moi le décor. Et la Moscova qui coulait en bas reflétait l'ombre de nos joies. Et la Moscova qui coulait en bas reflétait l'ombre de nos joies. Nous étions venus d'un lointain pays. Le hasard nous rendait amis. Sur la Moscova qui coulait en bas, notre amour nous parlait déjà. Qui coulait en bas, notre amour nous parlait déjà. L'eau de la rivière berçait nos deux cœurs, le début d'un nouveau bonheur. Sur la Moscova, tu as pris mon bras, dans tes yeux brillaient mille éclats. Sur la Moscova, tu as pris mon bras, dans tes yeux brillaient mille éclats. Pourtant aujourd'hui, tu m'as oublié. Notre rêve s'est envolé. Qui coule là-bas, emportant l'ombre de nos joies. Vers la Moscova qui coule là-bas, emportant l'ombre de nos joies. Je ne savais pas pourquoi je vivais. Je ne savais pas à quoi je servais. Maintenant, maintenant, je le sais. Mes yeux ne sont faits